كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 8. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس السابق حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. فماذا استفدنا من هذا الحديث؟ Qu'est-ce qu'on a compris de ce hadith؟ نعم. celui qui est en état de janaba après le fajr, il a eu des rapports avec sa femme avant le fajr. فسي المؤذن في الأذان ووقت الفجر دخل الفجر الصادق أي la journée a commencé. ففي هذا الحال son siyam est صحيح même s'il est en état de janaba. لكن bien sûr il fait le ghusl et il fait salat al-fajr et son siyam est صحيح. كذلك on a comparé ou on a cité une mas'ala qui ressemble à al-janaba. تفضل. الحيض. dit al-hayd amali أمال إموها كذا أبيتوي فو لديه عن عرب الحيض. فماذا؟ ها؟ ها؟ بيان سور أن المرأة تطهر قبل الفجر أي ينقطع نزول الدم avant الفجر. دونك elle est طاهرة. Elle doit faire الصيام الصلاة etc. لكن si elle fait زيد عندك زيد انتهينا لكل من تصوم بعد صلاة الفجر. نعم. ها سيال في الغسل. في الغسل قبل الصلاة. نعم سيال في الغسل متى؟ قبل الفجر. سيال في الغسل قبل الفجر الصيام إذا صحيح. ما الدليل؟ سيال في الغسل قبل الفجر. ça veut dire que cette période elle a fait le siyam, elle a commencé le siyam et elle avait pas fait le ghusl. الصيام إذا صحيح. قال الأخ نعم ما الدليل؟ كان يدركه الفجر. ها؟ أحسن. كان يدركه الفجر وهو جنوب. ça ça montre que كان يدركه الفجر أي lors du fajr il rentrait et il n'avait pas fait le ghusl. donc si c'est valable pour celui qui était en état de janaba, كذلك c'est valable pour la femme qui est plus en état de haïd et l'écoulement de sang s'est arrêté. لكن elle a retardé le ghusl son siyam il est sahih. بشرط une condition. Alors deux conditions, vous en avez cité une, عندك, la première الحيض أي الدم ينقطع قبل الفجر. La deuxième condition النية المنية قبل الفجر. هذا أحسنت. ابن قدامة رحمة الله عليه لأن كلام نفيس on l'a lu في هذا. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. donc on commence à notre hadith. حديث أبي هريرة وهذا الحديث يتعلق بمن أكل أو شرب نسيانا أي نسي إلى أبلي أنه ستل مواد رمضان سصاغيف souvent au début لأن الإنسان surtout ceux que toute l'année ils font pas siyam et ils font pas de nawafil ils perdent l'habitude. فربما au début de Ramadan, surtout le premier jour, le deuxième jour, vu que toute l'année ils ont l'habitude de manger, ça arrive. Annahu il se lève et il boit un verre d'eau. Ah oui, mange. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité al-hukm. On peut se poser la question, est-ce que le siyam, il est valide, amla? Bel, on peut comprendre que le siyam, il n'est pas valide. Le siyam, c'est le fait de ne pas manger, pas boire, etc. Wahada, il a mangé. Ah oui, il a bu. Lakin, le problème, l'an, ou la question plutôt qui se pose, c'est l'oubli. Il n'a pas fait volontairement. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. النبي صلى الله عليه وسلم أولا il a démontré أنه il continue le siyam. Il continue le siyam. Donc ça le hukm il est واضح. Est-ce que il arrête son siyam et il mange vu qu'il a mangé? Là, il continue le siyam. Donc s'il a mangé par oubli à 9h du matin, là il joue là. أنه il se dit vu que j'ai mangé, je mange toute la journée, je rattrape le jour. Là, falyutim sawma. Il finit son jour, il ne mange plus. Là, c'était par oubli. Baqi à la question, est-ce que son siyam il est valide ou non? قال صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقى. Et c'est Allah qui l'a nourri. C'est Allah qui l'a nourri. Al ulama par rapport à ce hadith, ils ont divergé. Amma le fait de continuer le siyam, ils disent il continue le siyam. Est-ce qu'il doit le rattraper ou non? Et est-ce que son siyam il est sahih ou non? اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. Deux avis. Le premier avis, صيامه il est pas sahih. وعليه القضاء. Son siyam il est annulé. Il doit continuer bien sûr. Lakin vu qu'il a mangé, son siyam il est annulé et il doit rattraper un jour. وهو قول الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم. أصحاب هذا القول ils ont comme argument أن من نسي ركنا من أركان الصلاة فعليه الإعادة. Celui qui oublie par exemple un pilier parmi les piliers de la salat, il doit rattraper. مثلا واحد يفعل الصلاة sans الطهارة ou il fait as-salat, il n'est pas en direction de l'qibla. Ou il fait as-salat, il a oublié le fatiha. Ça dépend. Imma as-salat, elle n'est pas valide. Imma raka'a, elle n'est pas valide. Aham shay, il doit rattraper cette chose. Imma la salat entière, s'il a fait as-salat sans tahara, il se rappelle. Imma, il doit rattraper la raka'a. Mathalan, il se rappelle qu'il a, dans une raka'a, il n'a pas récité le fatiha. Il était ailleurs et il se rappelle, il n'a pas récité le fatiha. Naam, il fait le recours. La raka'a, elle n'est pas valide. À la fin de la salat, si c'est en groupe, quand l'imam fait taslim, il se lève et il fait une raka'a. S'il est tout seul, il se lève et il fait une raka'a. À la kulli hal, c'est ça la hujja. Annahu, même si c'est un oubli, tu dois rattraper. Enfin, ils ont fait le qiyas. Ils ont comparé ce cas, celui qui oublie quelque chose dans la salat, il doit le rattraper. Ils ont dit, enfin, celui qui oublie et qui mange, il doit rattraper le jour. Ça, c'est le premier qawl. Et hada al qiyas fi hinabar. Hada al qiyas fi haqiqa, c'est un qiyas ma al fariq. Et c'est un qiyas fi mukhalafati an-nas. Lian al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal man nasya wa huwa sa'im fa akala wa shariba falyutim sawma. Et on va voir qu'Alam Shagh al-Islam il va nous démontrer un as-siyam il est sahih. Kadhalik, on lira la parole de Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi après la parole de Sheikh al-Islam pour démontrer que ce qiyas et le fait de comparer c'est pas juste dans ce cas. On lira hada après avoir cité les deux aqwal. Le deuxième avis, donc le premier avis, le siyam il est pas valide, il doit rattraper. Le deuxième avis, siyamuhu sahih wa la qada alayh. Et c'est ça le qawl ar-rajih, c'est qawl jumhur ahl al-ilm. C'est ça l'avis le plus juste. Anna son siyam il est valide et il ne rattrape pas ce jour. C'est qawl al-Imam Shafi'i wa al-Imam Ahmad, كذلك al-Imam Ibn al-Munzir wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, son élève Ibn al-Qayyim, à notre époque Sheikh Ibn Uthaymeen alayhim rahmatullah, ils ont démontré que cet avis c'était le plus correct, le plus juste. Et ils ont cité comme argument qawlullah azza wa jall wa laysa alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il démontre anna celui qui est pris en compte c'est celui qui fait volontairement les choses. Amma celui qui fait par erreur, par oubli, fahada, il n'y a pas de mal. Limada liana, cette chose elle n'est pas volontaire. Et nahnu la mas'ala al-an, c'est celui qui mange ou qui boit par oubli. Kadhalik, parmi les preuves, qawluhu azza wa jal, rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Donc il n'est pas athim et son siyam, inshallah, par rapport à tous ces preuves, il est sahih. Kadhalik qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha tajawaza ala an ummati al-khata' wa nisyan. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne prend pas en compte le 'abd s'il fait une chose par erreur ou par oubli. Après tout ça, il peut dire Naam, ces preuves, on est d'accord qu'il n'est pas pris en compte et il n'est pas athim. Il y en a même l'imam Malik ou Imam Ma'a qui disent que son siyam n'est pas valide, ils disent qu'il n'est pas, il n'a pas fait de péché. Ils sont d'accord avec nous sur les preuves. Ils disent naam. Il n'a pas, pas fait de péché, ce n'est pas comme quelqu'un qui mange volontairement. Lakin, pour eux, il faut qu'il le rattrape. Les preuves que vous avez citées, ce n'est pas clair à son siyam et le sahih. C'est clair qu'il n'a pas fait de péché. Cheikhul Islam, rahmatullah alayhi, Ibn Taymiyyah, fi sharh Amdat al-Fiqh, il a expliqué avec un kalam nafis, hadith Abi Huraira qu'on a lu. Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. قال شيخ الإسلام وفي هذا الحديث الدلالة من وجوه أي الدلالة على ترجيح صحة صيام هذا الرجل أو هذه المرأة qui mange ou qui boit par oubli. شيخ الإسلام avec ce hadith plusieurs points il va te citer que son صيام est صحيح. Premier point, أحدها أنه أمره بإتمام الصوم تخصيصا له بهذا الحكم بقوله من أكل أو شرب ناسيا فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح إذ لو كان المراد به وجوب الإمساك لم يكن بين العامد والناس فرق. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne à ce abd et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré qu'il doit continuer son jeûne. Naam, il doit continuer son jeûne. Cheikh al-Islam il te dit donc si il doit continuer son jeûne c'est que son jeûne il est sahih. C'est pour ça qu'il y a une différence entre celui qui mange par oubli ou qui mange volontairement. L'un à celui qui mange volontairement, kadali, qui doit continuer son jeûne. Wahed matalal, ou l'ayadu billah, il a une faiblesse, et il mange volontairement. Alors qu'il n'y a pas de hajj, il ne va pas tomber malade, il ne va pas. Là, il mange, parce qu'il a envie de manger, et il ne patiente pas, il mange. On lui dit, tu continues, et il est athm, et il doit rattraper. Amma, celui qui a fait par oubli, il continue, et il ne rattrape pas. Il y a une différence entre celui qui fait obligatoire et celui qui fait. Alors celui qui fait volontairement et celui qui fait involontairement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et il est plus clair. أَنَّهُ قَالْ فَلْيُتِمْ صَوْمَهُ. Al-Nabi sallallahu alayhi wa dans le hadith, méditez bien sur le hadith, قَالْ فَلْيُتِمْ صَوْمَهُ. Et qui continue son siyam. Donc, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant d'avoir mangé, et par oubli, et après avoir mangé, c'est le même siyam. Et le siyam, c'est le même. Vous avez compris, قال شيخ الإسلام وصومه هو الصوم الصحيح المجزي. Vu que le صوم avant de manger il était صحيح, après il est صحيح. Parce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit صوم, et c'est le même. قال شيخ الإسلام وقد أمر بإتمامه فعلم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام الصوم الذي قبله. Donc le صوم qui est après avoir mangé par oubli, c'est le même qu'est avant. Donc vu que celui qui est avant il était valide, celui qui est après, kadhalik, il est valide. L'oubli entre les deux, il ne fait aucun mal. Pourquoi? Parce que c'est un oubli. Bel, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri. Fa innama at'amahu Allah wa saqa. Ça, c'est fadlullah. Allah, il a une hikmah et il a facilité à ce abd, involontairement, il a bu ou il a mangé. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu hada. Qala Cheikh al-Islam, fa'ulima anna as-sawm alladhi ba'da al-akl tamam as-sawm alladhi qabla. ولو أراد وجوب الإمساك فقط لقال فليتم صياما. Vous avez vu la différence? Si dans le hadith on aurait فليتم صياما أي continue صياما أي c'est un nouveau jeûne, on aurait su que le jeûne d'avant, الصيام avant, il est باطل, il est فاسد, il n'est plus accepté. Lakin il continue. Pourquoi il continue? Il continue parce que c'est interdit de manger la journée de Ramadan. Lakin son siyam il n'est pas bon. Hada, c'est si dans le hadith on aurait fait yutim siyaman. Et bien les ulama ils disent hada. Ils disent anna, ils continuent. Et pourquoi? Pour respecter cette journée. Cette journée c'est interdit de manger. Wa illa son siyam il n'est pas sahih. Qala fal yutim siyaman ou fal yassum baqiyat yawmihi wa nahwi dhalik. Lakin al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala fal yutim sawmah. Et il continue son jeûne qui est valide, il le continue parce qu'il est toujours valide. Et hada c'est un qawl qawi. Troisième point, كذلك il est clair, أنه لم يأمره بالقضاء وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a su que واحد il a mangé ou il a bu involontairement, النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré celui qui oublie, من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. شيخ الإسلام يقول وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه شاكا في الأكل مع النسيان هل يفسده أو لا، ومعلوم أنه لو كان واجبا أي القضاء si ça serait obligatoire de rattraper la ذكره النبي صلى الله عليه وسلم il aurait montré à cet homme il aurait dit نعم celui qui a mangé et qui a par oubli ou qui a bu par oubli pendant Ramadan فليتم صومه et continue de jeûner et il rattrape لأن cet homme il veut savoir. قال ولم يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Et c'est interdit de retarder un nasiha alors qu'il y a un besoin. Et النبي صلى الله عليه وسلم c'est imam al-muttaqin, c'est lui qui a propagé hadith. Enfin, s'il n'a pas ordonné de rattraper un jour, c'est qu'il n'y a pas besoin. Et tu comprends de ce troisième point, et si il, ça serait une obligation de rattraper, النبي صلى الله عليه وسلم il aurait montré. Il aurait dit من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليقضي يوما اي غتراب ان جور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا با دي دونك اون ريست على ظاهر الحديث انه يفو با غتراباي. هذا سان كلام نفيس دو شيخ الاسلام في شرح عمدة الفقه، اظن اخونا الشيخ محمد بن حزام لا رابورتي دون اتحاف الانام. فائده بار رابور او بروميير قول، اي سو كي ديز انه vu que si on oublie un pilier de la salah, on doit rattraper. Imma la salat entière, imma ce pilier. Fahakada, si on oublie de, et par erreur, on mange ou on boit, on doit rattraper. Qala Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi. Shar' amdat al-ahkam. Il a un shar' tayyib. Il est mukhtasar, mufid. Kasa'ir mu'allafat hada l'imam. Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi, c'est un imam. Ses livres, ils sont profitables, jiddan, simples. Et un kalam, il est résumé. فصن شرع عند الأحكام سي على هذا. قال فيه تنبيه فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ لا يبطل العبادة. سي اون ريغل فعل المحظور أي le fait de faire une chose qui est interdite dans l'ibada. مثلا parler dans la salat c'est interdit de parler. Celui qui parle sans faire exprès par oubli ou par erreur, sa salat elle est sahiha. Celui qui mange fi Ramadan, par oubli, il continue son siyam il est sahih. Ntabih li qawli Abdurrahman al-Sa'di al-Imam rahmatullah alayhi, fi'l al-mahdour. Donc là on est dans les choses qui sont interdites dans l'ibada. Si tu l'as fait par oubli, ta ibada elle est sahiha. Qal wa amma al-ma'mour. Différence l'an. Amma al-ma'mour, ay, t'es ordonné de faire une chose. On n'est plus dans les interdits. Maintenant, à salat, t'es ordonné de réciter al-Fatiha. Donc, Cheikh Sa'di, il divise en deux. Al-Mahdour, les choses interdites, maintenant, parler dans la salat. Al-Ma'mour, les choses obligatoires, réciter le Fatiha. C'est, il y a une différence entre les deux. Celui qui fait par oubli un Mahdour, fait salat, ou fait jami' al-Ibadat, sa ibadat est sahiha. Celui qui oublie quelque chose qui est ordonné, sa ibadat n'est pas sahiha. Et vous avez compris pourquoi le Qawl Awwal, c'est une erreur. Ils ont comparé une chose qui est obligatoire, maintenant, réciter le Fatiha, avec une chose qui est interdite dans une ibada, manger pendant Ramadan. Et ils ont comparé les deux, l'oubli. Le haqiqa, c'est un qiyas avec une différence. Qala Cheikh Sa'di, wa amma al-ma'mour, fa innahu la yasqut bin nisyan wala ghayri. Un frère, il fait salat, il oublie de réciter le Fatiha. On dit par exemple, il oublie de réciter le Fatiha dans les deux rak'a du Fajr. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, salat al-Fajr, elle n'est pas bonne. La salat liman lam yaqra bi fatiha al kitab qala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit volontaire ou involontaire, si c'est volontaire c'est grave, لأن pourquoi tu te lèves pour faire salat si tu récites pas le fatiha? Et alhamdulillah hada ça arrive pas. Lakin si c'est involontaire il doit rattraper. Mafhoum? Un autre il fait salat sans faire exprès, il parle, il a une refla, il est insouciant pendant un moment, il dit un mot, il continue sa salat, il a fait ça par erreur. Ama s'il le fait exprès c'est autre chose. مفهوم؟ قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه فإن المأمور لا يخرج من العهد ومن العهدة إلا بفعله فمن ترك الصلاة ناسيا لم تسقط عنه. C'est pour ça que celui qui oublie la salat par oubli. مثلا نحن c'est bientôt le dhuhr, on se lève l'an, on finit le dhuhr et un nous il oublie de faire salat, il va y manger, il a quelque chose à faire, il oublie complètement de faire salat. ثم c'est l'heure du asr, est-ce qu'il délaisse le dhuhr? Là il est obligé de faire dhuhr, même s'il l'a oublié. Il est obligé de faire. لأن النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith, il démontre أن من من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أي إلا فكنتي سرابل قال لم تسقط عنه وكذلك ترك شيء من أركانها وكذلك غيرها من العبادات ولهذا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فلا يعذر الإنسان إلا إذا فعل ما أمر به على قدر الاستطاعة والله أعلم donc une différence entre الفعل المأمور et entre المحظور c'est une règle ذكرها الإمام السعدي رحمة الله عليه dans son livre القواعد والأصول الجامعة سهل وطيب في القواعد الفقهية c'est une règle on lit la règle de son livre القواعد والأصول الجامعة من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرد ذمته إلا بفعله celui qui délaisse une obligation un pilier dans une عبادة sa عبادة elle est pas valide il doit rattraper cette chose ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته celui qui fait une chose interdite dans une عبادة par erreur la عبادة elle est valide مفهوم qui c'est qui résume C'est important, cette qaïda. On l'applique par rapport à notre hadith et dans beaucoup de choses. Qui c'est qui nous explique les deux cas ? Tfadda. Si par exemple quelqu'un dans le salat, il oublie de réciter le Fatiha, il doit rattraper sa raka. Pourquoi ? Parce que il a délaissé une obligation. لكن si quelqu'un te dit لكن الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا il va te dire لكن الله il a dit ربنا لا تؤاخذنا أي on n'est pas prend compte si on oublie كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان أي on n'est pas pris en compte qu'est-ce que tu réponds نعم ça concerne si il fait un interdit par oubli ou par ignorance il n'est pas pris en compte أما فعل أمر كذلك il n'est pas pris en compte أي il n'est pas athim مثلا واحد il oublie de faire الصلاة est-ce que c'est comme celui qui délaisse الصلاة volontairement là celui qui la délaisse volontairement il est athim il a des péchés celui qui la délaisse involontairement il n'est pas pris en compte لكن il doit la rattraper il y a une différence c'est quand que tu n'es pas pris en compte أي tu dois pas ça annule pas la عبادة contrairement si tu délaisses un pilier il fait الصلاة et il parle نعم فعل ça s'appelle comment en arabe Al-Mahdour. Mathalan, il mange par oubli fina Ramadan. Il parle fis salat. Tout ça, la ibadah elle est sahiha. Lakin il fait une chose qui l'annule par oubli. Dans ce cas-là, la ibadah elle n'est pas annulée. Pourquoi ? Parce que ce fi'l, Al-Mahdour, cette interdiction qu'il fait, c'est par oubli ou par erreur. Fahadi, c'est une qa'ida nafi'a. Abdurrahman, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans son livre Al-Qawa'id wal-Usul al-Jami'a. علم القواعد الفقهية من أهم ما يكون بوغ طالب العلم خاصة سي ليتودي الفقه ولله الحمد on avait fait plusieurs دروس avec les frères que ce soit دماج أو الصنعة في هذا الباب القواعد الفقهية يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الوقت حتى نفئ من رسالة في هذا فسي مهم قد يقول قائل est-ce que ça englobe الجماع أي واحد il est marié et par oubli il a des rapports avec sa femme est-ce que il rentre في هذا نعم ça englobe tout لماذا لأن il a fait cette chose qui annule الصيام par oubli et ça c'est قول كثير من العلماء قول مجاهد والحسن والشافعي أبي حنيفة إسحاق بن المنذر كذلك سترجيح الإمام ابن عبد البر كذلك ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم وتقدمت الأدلة لأن الأدلة كنا سيتي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا كذلك أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان لا غيغل كلا سيتي الشيخ عبد الرحمن السعدي سا أنغلوب celui qui fait une chose qui annule une عبادة par oubli on va voir que الجماع سا أنول الصيام بالإجماع l'unanimité des savants لكن il le fait par oubli Celui qui fait par oubli, on a dit, ça annule pas la ibad. Qad yaqul qa'il, et c'est une question que je vous pose, pourquoi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité faqat al-akl wa shurb, man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba. Pourquoi il a pas cité les autres annulations? Les anna, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les choses qui arrivent par oubli. Enfin, ça arrive de manger et boire par oubli. Amma al-jima' fa c'est nadir. Si ça arrive. Amma c'est nadir. Amma manger et boire, naam, ça arrive souvent. Et la plupart d'entre nous, on a déjà connu hada. Tu manges et tu bois par oubli et t'es sa'im. Fa li hada qala al-imam ibn al-mulaqqin rahmatullah alayhi khussa al-akl wa al-shurb أي في حديث الباب من بين سائر المفطرات لأنهما أغلبها وقوعا وإنها لا يستغني عنها بخلاف بخلاف غيرها ولكن نسيان الجماع نادر بالنسبة إلى ذلك أما الجماع par oubli c'est très rare. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas cité. قال والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما فلا يدل على نفي الحكم عما عدا. Et le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a précisé, il a cité que la nourriture et la boisson, ça ne veut pas dire que ça n'englobe pas les autres. Là, il les a cités parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Et là, tout ce qui est fait comme annulatif dans le siyam, par oubli, ça n'annule pas au siyam. C'est une règle, on a profité de kalam Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi. Il y en a un, on a vu par oubli. Al-an, celui qui fait ces choses volontairement. Manger, boire, al-jima', on va voir kadalik, tout ce qui est rapport avec al-hijama, le vomissement. Tout ça, tout ce qui est rapport avec ce qui annule, al-siyam. Awwalan, premièrement, yabtulu al-siyam bil-akli wa-shurbi wal-jima'. Donc, c'est trois choses. Al-akl, la nourriture, al-shurb, boisson, wal-jima', les rapports. Qala Allah Ta'ala, wa-kulu wa-shurbu. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. Donc on peut manger et boire jusqu'à l'apparition du fajr. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يدع اي العبد طعامه وشرابه وشهوته من أجل متفق عليه. Et c'est ça le but de siyam. Délaisser boisson, nourriture et ses envies pour Allah Azza wa Jal. Ijma' أهل العلم نقله الإمام ابن قدامة وكذلك ابن المنذر وغيرهم ورحمة الله على الجميع. Ils ont rapporté l'unanimité à celui qui boit ou qui mange ou qui a des rapports. Tout ça, bien sûr, volontairement. Tout ce qui concerne l'oubli, on l'a vu. Volontairement, façon siyam, il est batil. On verra dans un autre chapitre le hadith qu'il a cité Al-Hafidh après avoir cité ce bab, Al-Mubtilat, ma yata'allaq bil-kaffara wal-qadha. Est-ce qu'il doit rattraper, est-ce qu'il ne doit pas rattraper, est-ce qu'il a une kafara, est-ce qu'il doit jeûner, etc. Tout ça, on le verra, inshallah, dans un bab à part. Amma al-yawm, on cite al-mubtilat, faqat, ce qui annule. Donc, boisson, nourriture et l'ijma'. Tout ça, ça annule al-siyam bil-ijma'. Et l'unanimité des savants, que ces choses, ça annule al-siyam. Lian al-siyam, comme on a vu au début des durus, c'est al-imsak. Et s'abstenir de ces choses. Donc celui qui fait une de ces choses volontairement, il a annulé son siyam. Et ça, c'est wadih. Baqiya, une mas'ala importante هنا, al-ta'am, qui reste entre les dents. Ça arrive, هلا. Au sahur, ربما شخص يتسحر ثم il se lave pas les dents. Et après le Fajr, cette période où c'est interdit de manger et boire, il a des restes dans sa bouche. قال أو قبل أن ننقل كلام شيخ الفوزان جمهور العلماء la majorité des savants أنه إذا بلع منه شيئا أي s'il avale ses restes فإنه يعد مفطرا il a annulé son siyam. لماذا لأنه il a mangé. Il est considéré avoir avalé quelque chose, avoir mangé. Bien sûr, si c'est volontaire. Si c'est involontaire, taqaddam ma'ana anna le fait de manger involontairement, ça annule pas. Donc hadha min babi awla. C'est qawl Imam Malik, l'Imam Shafi'i l'imam Ahmed, et c'est le qawl al-sahih. Pourquoi? لأنه il a mangé. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في المنتقى, c'est un kitab, ils ont rassemblé les fatwas de الشيخ صالح الفوزان حفظه الله المنتقى, et il est مشهور, il est معروف. قال إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيئا من مخلفات الطعام, donc si celui qui fait الصيام après Al-Fajr, il trouve des restes dans sa bouche, mukhallafat al-ta'am, et des restes, fa'alayhi an yalfad hadhihi al-mukhallafat. Premièrement, il doit les rejeter, il ne doit pas les avaler. Qal wa yatakhallas minha, wa la yu'athir ala siyamih. Et ça ne fait aucun mal à son siyam, tant qu'il n'a pas avalé. Léna, ça arrive, hada. قال إلا إذا ابتلعها متعمدا, donc ça fait aucun mal à son siyam s'il rejette ses restes ou s'il l'avale involontairement, ça fait aucun mal. Lakin, ce qui fait du mal, c'est que s'il ressent et il sait qu'il a un reste dans sa bouche et il l'avale volontairement. قال فإن هذا يفسد صيامه, ça annule son siyam s'il l'avale volontairement. قال أما لو ابتلعه جاهلا أو ناسيا فهذا لا يؤثر على الصيام. أما si les ignorants du حكم, et ça arrive, بعض الناس مساكين manque de علم, ils savent pas. Si c'est arrivé à un ignorant avant qu'il sache, son صيام il est صحيح. أو involontairement, et ça arrive. فهذا لا يؤثر على الصيام. ثم شيخ الفوزان ينصح يكونسي المسلمين قال وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه بعد الطعام. Et ça c'est un adab طيب, أن المسلم il doit faire des efforts في النظافة, et se purifier la bouche après الأكل, سواء في حالة الصيام أو غيره, que ça soit en période de siyam ou autre. Pourquoi? Les restes, ça provoque des mauvaises odeurs. Ça fait du mal à tes dents. La plupart des caries, des problèmes de dents, c'est à cause de hada. Donc le musulman, il fait des efforts fi hada. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib al-tawabin wa yuhib al-mutatahhirin. Et ça, c'est min al-tahara. Donc le musulman, il fait des efforts. Qala في حالة الصيام أو غيره لأن النظافة مطلوبة من المسلم. Et on a cité le verset du Coran. Donc الخلاصة أن s'il reste quelque chose dans la bouche, on doit le rejeter. Si c'est avalé volontairement ou par ignorance, ça fait aucun mal au siyam. Si c'est avalé volontairement, ça annule الصوم, لأنه il est compté avoir mangé. C'est قول جمهور أهل العلم. Une autre masala qui est liée à celle-là, ibtila' al-nukhama. Al-nukhama, c'est ce qu'il y a dans le nez, la morve. Surtout en état de grippe, en hiver. Kathir min al-nas yusabuna bihada. Enfin, est-ce que le fait d'avaler et renifler fortement et avaler, est-ce que ça annule al-siyam? Il y a deux cas. Le premier cas, la tasil ila al-fam. Aïe, après avoir reniflé, aïe du nez, ça atteint pas la bouche. Ça descend directement. Ça arrive, hada. Qala an la tasil ila al-fam. Wa ila haddihi al-zahir. Bal tanzil min dimarihi fatadhab ila jawfih. Directement du nez, elle monte min al-dimar et elle descend directement à l'estomac. فهذا سان الصيام فلا تعد مفطره. Dans ce cas-là, ça annule pas الصيام. قال الامام النووي رحمه الله عليه في المجموع قال اصحابنا اي الشافعيه النخامه ان لم تحصل في الحد الظاهر من الفم, اي si elle passe pas par la bouche directement, elle va directement dans l'estomac. قال لم تضر بالاتفاق, Et il a rapporté l'unanimité de Al-Shafi'i. Et c'est le qawl al-sahih. Dans ce cas-là, ça annule pas. Lakin, il faut éviter. C'est une chose qui n'est pas propre. Les microbes, surtout pour le malade, Rukbama, ça lui fait du mal. La fiyad al-hal, il doit recracher, il doit rejeter ces choses. Lakin, est-ce que ça annule le siyam? Lakin, il faut éviter. Deuxième cas. أن تصل إلى الفم ثم يبتلعها ففيه قولا. Deuxième cas, donc premier cas, l'imam Nawawi a rapporté l'unanimité, ça fait aucun mal à soi. Lakin, il faut éviter, ça peut faire du mal à la santé. Deuxième cas, renifler et ça passe par la bouche. Au lieu de recracher, il l'avale. Hada kadhalik. Ça fait pas partie de la propreté, ça fait du mal à la santé. Lakin, est-ce que ça annule en siyam? Il y a deux avis. Le premier avis, ça annule. Ça annule en siyam. Le deuxième avis, ça annule pas en siyam. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح الممتع وفي المسألة قول آخر في المذهب أي في مذهب الحنابلة أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم وابتلعها وهذا القول أرجح. نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه il dit que في مذهب الحنابلة il y a deux قول il a choisi le قول que ça annule pas le siyam, même si ça passe par la bouche et il l'avale volontairement. L'ana, c'est pas compté comme de la nourriture ou de la boisson. Ce qui annule le siyam, c'est la nourriture ou la boisson. قال لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا. نعم. أولا, c'est pas une chose qu'il a avalé et qu'il a pris de l'extérieur et il l'a avalé. Là, c'était en lui. Et deuxièmement, c'est pas considéré comme de la nourriture ou de la boisson. قال فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنها لا فإنه لا يفطر بها لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل. Et ça c'est important pour Talib al-Ilm. Cheikh Al-Adhimin conseille أن ces choses au cas خلاف بين أهل العلم. Des savants ils vont dire si tu avales ça annule. D'autres ils vont dire ça annule pas. Si tu as les moyens de rejeter, rejette. Et tu sors du khilaf. Les anna, celui qui n'avale pas, c'est clair que l'unanimité, son siyam, il est valide. Donc, al-muslim, khasatan talibul ilm, il essaye de sortir du khilaf. S'il y a un avis, une chose, tu l'as fait, ou tu ne l'as fait pas, et anta, tu peux te passer des deux, et pour sortir du khilaf, fa'fa'al. Fa'fa'al, hatta t'as pas de doute. Tu ne te poses pas ce genre de questions, ça te ralentit. Les nakatir men al-nas, ils ont ce genre de questions souvent. Khasatan fassiyam. Et ils perdent leur temps. Et Obama, ils ont des wasawis. Ils ne sont pas reposés. Fa anta mitla hadhihi al-masa'il, rejette. Awalan, tu préserves ta santé. Ça fait partie de la propreté. Alhamdulillah, tu sors du khilaf. Personne dit qu'après l'avoir rejeté, ça annule le siyam. Alhamdulillah. Amma, toujours. Rechercher ces masa'il de khilaf et la polémique, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et il n'y a aucune fa'ida. Al-fa'ida, elle est fil ilm. Al-fa'ida, elle est fil amal. Qala shoum al-azaymin, la taf'al wa tajannab hada al-amr, ma dama anna al-mas'ala bi hada al-shakl, wa laysat al-nukhama ka bal al-riq. Na'am. Lianna, il y a une différence entre avaler sa salive et avaler nukhama, ce qu'ils appellent la morve. Il y a une différence. Amma avaler sa salive, il n'y a aucun khilaf. La salive, c'est normal. Tu l'avales, que ça soit siyam ou ghayr siyam, ça annule pas ton siyam. Amma hadif, c'est une chose. C'est pas la salive. C'est une chose que tu peux rejeter. Contrairement à la salive. Tu peux pas rejeter, recracher ta salive pendant toute la journée dans siyam. C'est pas possible. Amma hada, an nukhama, c'est différent par rapport à ce point. قال وليست النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتد. C'est une chose qui est pas entre guillemets naturelle. Et c'est pas une chose habituelle. Là, c'est une chose imma c'est la maladie. نعم, donc ça peut te faire du mal. قال وجوده في الفم بخلاف الريق. نعم. C'est pas quelque chose d'habituel dans la bouche. Ce qui est habituel dans la bouche, c'est la salive. قال فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق حتى في الريق لا صليب وبعضهم يقول que celui volontairement il avale ça annule son صيام هذا c'est un قول لا الصحيح c'est que ça annule pas لكن الخلاف في بلع في ابتلاع النخامة il est أقوى نعم ففي هذا الحال on s'écarte قال والأمر واضح ولكن شيخ العثيمين يكونكلو ولكن كما قلنا اولا ان ابتلاع النخامه محرم شيخ العثيمين يقول سي انتردي سان نول با صيام اما الصيام الى صحيح لكن سي محرم سي انتردي بوركو لما فيها من الاستقذار والضرر سي كلكو شوز دو سال دي ميكروب ان جينيرال سي لا كونسيكونس دو لا مالادي لا غريب او اوتر اي كذلك سا بو فير دو مال والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول لا ضرر ولا ضرار t'as pas le droit de faire de mal et t'as pas le droit de te faire du mal et ça ça fait partie de des choses qui font du mal قال شيخ العثيمين سأقول طيب على كل حال الخلاصة ça annule pas الصيام لكن on évite pourquoi pour sortir du khilaf أولا et deuxièmement لأنه ça fait du mal et c'est pas propre. Une autre mas'ala, avaler et ibtila' ad-dam alladhi yakhruj min al-fam. Ça arrive. Avaler du sang, ou son sang qui sort des gencives ou de sa langue. Est-ce que ça annule as-siyam? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi fi sharh al-mumti', la yajuz la lis-sa'im wa la lighayrih. Ta'ammal. Qawl Cheikh Ibn Uthaymeen il est précis là. Au départ, il ne parle pas de annuler ou pas annuler le siyam. Au départ, le avaler le sang lui-même, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit c'est interdit. La yajouz. Pour l'instant, ça n'a rien à voir avec le siyam. On parle de avaler lui-même. Limada li anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul hurrimat alaykumul maytatu wad-dam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de manger la bête morte et il nous a interdit d'avaler le sang. Pour le sa'im ou pour le sa'im. Donc on évite ça. Kadhalik ça provoque un mal, ça peut provoquer des maladies. Surtout si c'est à cause d'un mal de dents ou d'un problème de gencive, il peut avoir des microbes. Donc il faut recracher ça, il ne faut pas l'avaler. Wa idha waqa'a min as-sa'im. Deuxième point, Cheikh Ibn Uthaymeen, awalan, il te montre que c'est interdit d'avaler le sang. Deuxième point, il va traiter, est-ce que ça annule as-siyam? قال وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر أو يفطر أي ابتلاع الدم سأنل الصيام ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه il démontre أنه سأنل الصيام سأنل الصيام. Donc il faut faire attention, ça va engendrer une autre mas'ala, le dentiste. Est-ce que tu peux aller au dentiste pendant que tu jeûnes? Tu peux aller au dentiste, lakin ça va dépendre, est-ce que tu vas avaler ce sang? Si tu l'avales là, est-ce que t'as mal, tu vas prendre des médicaments, t'es considéré comme malade. Donc le malade, il peut ne pas jeûner. Mais le dentiste en lui-même, là, ça annule pas en siyam. Tu peux aller au dentiste, et il te fait quelque chose, tu ne vas pas avaler de sang, tu ne vas pas prendre de médicaments. في هذا الحال نعم. لكن الأفضل c'est d'aller après le Maghrib si possible. Ou avant Ramadan, ou après Ramadan, pour sortir de tous ces ishkal. Et celui qui a mal dedans, il ne peut pas patienter, ça lui fait trop mal, في هذا الحال il est considéré comme malade. S'il doit prendre des calmants, il va au dentiste, Inch'Allah, il rattrape un jour. قال شيخ العثيمين ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل. كذلك même si tu l'enlèves de nuit, أحيانا il y a des écoulements de sang après. Donc tu dois faire attention. Si bien sûr tu fais as-siyam. Mais si t'es malade, t'es pas obligé de faire as-siyam. قال واستمر يخرج منه الدم ألا يبتلع هذا الدم لأنه يفطره وهو أيضا حرام. شيخ ابن عثيمين كذلك يدمونت أنه سي حرام دافالي سون سون. Même si on dit que ça annule pas As-Siyam, taqaddam ma'ana, on évite tout ce qui peut provoquer un doute. Et kadhalik, ça fait du mal à la santé, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'avaler ad-dam. Hurrimat alaykum al-maytatu wad-dam. Ça englobe le sang d'un autre, ça c'est wadih, et kadhalik ton sang à toi. Et on conseille, nous, tout ce qu'on va citer, on va citer des remèdes. Est-ce que tu peux faire telle chose? Est-ce que tu peux avaler telle chose? Surtout ce qui concerne la médecine. Al-Afdal, celui, c'est pas pressant, c'est pas urgent, il fait ces choses la nuit. Ou avant Ramadan, ou après Ramadan, s'il peut attendre. Na'am. Hada al-Afdal. Et s'il est malade, il prend al-Rukhsa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité. Celui qui est malade, il rattrape un jour. Celui qui est malade, il se soigne, que ce soit dentiste ou autre, Thomas, il rattrape son jour et ça lui fait aucun mal. Au contraire, c'est min yusra had din. Une autre mas'ala, toujours par rapport à la nourriture et la boisson. Man tamadmada wa stanshaqa fa ghalabahu al-ma' fa dakhala fi jawfihi. Celui qui fait l'eau d'eau et al-madmada, c'est se rincer la bouche. Al-istinshaq, c'est aspirer fortement l'eau par ses narines et la rejeter. Et ta'lamoun anna, dans ce cas, al-istinshaq, l'eau, elle peut pénétrer dans al-halq. Tu peux la sentir après dans ta gorge. Et tu l'avales. Est-ce que ça annule as-siyam? Awalan, on cite un hadith important via al-bab. Hadith, na'am, laqit ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il lui a conseillé de fortement aspirer l'eau par ses narines et la rejeter, ça c'est une sunna, sauf si t'es صائم. Si tu fais as-siyam, évite. Pourquoi? Parce que l'eau, elle peut pénétrer. Ça c'est un hadith qu'a rawa l'imam Abu Daoud et al-Tirmidhi et hassanahu al-Sheikh Muqbil fi al-Jami' al-Sahih alayhim rahmatullah. Qala Ibn Qudama rahimahullah fi al-Mughni wa in tamadmada wa istanshaqa fi al-tahara, ay fi al-wudu, quand il fait l'wudu, fa sabaqa al-ma fi halqihi min ghayri qasd wa la israf fala shay' alayh. Amma si l'eau elle pénètre involontairement, il n'a pas fait exprès. فهذا لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تقدم معنا أن celui qui boit sans faire exprès involontairement في الصيام, son صيام إلى صحيح. فهذا من باب أولى. وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. نعم. Donc المسألة خلافية et الصحيح كما قال الإمام ابن قدامة c'est que ça annule pas son jeûne. Ah, mais celui qui le fait volontairement, c'est comme si il a bu. Et bien sûr, c'est qu'au l'imam Ahmed. L'imam Nuqudama, c'est un hanbali al-madhab. Donc, il a rapporté qu'au l'imam Auza'i, wa Ishaq, wa Shafi'i, fi ahad al-qawlay. Et bien sûr, qu'au l'imam Ahmed. Wa qala Malik wa Abu Hanifa, rahimahumullah, yuftir. Aïe, ça annule son jeûne. Pourquoi? Li'annahu أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه. نعم عندهم يديس كلام يلسون لأنه il sait, il est conscient qu'il fait الصيام, et malgré cela il a aspiré fort par son nez et ça a pénétré. Il n'a pas fait volontairement là, de pénétrer l'eau, لكن il savait qu'il était صائم, il n'aurait pas dû le faire. عندهم ça annule الصيام. والصحيح كما قال شيخ العثيمين في شرح ممتع لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. نعم أما الوفد دو الفير خلاف السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أي أسبير فور par les narines, avec l'eau, sauf si tu es صائم. Lakin, le fait que ça soit involontaire, ça annule pas ça. Et on a déjà cité Al-Adillah. Laysa alaykum junahun فيما أخطأتم به وقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كذلك قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها si c'est involontaire هذا إن شاء الله il est pas pris en compte إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان donc القول الصحيح c'est que ça annule pas الصيام si c'est involontaire لكن النصيحة c'est d'appliquer حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الصيام on fait l'istinchar النبي صلى الله عليه وسلم il a pas dit de ne pas le faire وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فالنبي صلى الله عليه وسلم il nous a démontré qu'on ne doit pas faire المبالغة في حال الصيام et on ne doit pas le faire fortement لكن on le fait sans aspirer fort لأن l'eau elle doit pénétrer dans les narines une autre مسألة toujours par rapport à ce qui pénètre dans la bouche معجون الأسنان استعمال معجون الأسنان Et ce genre de questions, elles reviennent souvent en Ramadan. Et ça montre que le haqiqa qu'il y a un taqsir fi l'ilm. Beaucoup de musulmans, ils se posent toujours les mêmes questions. Est-ce qu'on peut se brosser les dents? Est-ce qu'on peut mettre du parfum? Est-ce qu'on peut faire telle chose? L'importance d'étudier ces ahkam. C'est fondé sur des hadiths, c'est fondé sur des règles. Tout ce qui n'est pas nourriture, boisson, ça annule pas as-siyam. Donc on va voir que ma'joun al-asnan, tant que c'est pas avalé, c'est pas de la nourriture, ça annule pas as-siyam. Kadhalik le parfum. Le parfum, il y a aucun lien fil haqiqa avec as-siyam. Le musulman, il doit prendre soin de lui. Al-nadhafa, il se parfume que ce soit siyam ou hors de siyam. Le musiba c'est que بعض النساء ربما في رمضان elles mettent pas du parfum et après Ramadan elles mettent du parfum dehors. Elles se mélangent aux hommes. Ça, c'est haram. C'est haram de, que la femme elle mette du parfum et elle sort. Il y en a, c'est une cause de fitna. Elle met le parfum et elle reste chez elle. Amma, pendant Ramadan, ne pas mettre du parfum et en dehors de Ramadan, mettre du parfum pour la femme et elle sort, enfin, c'est pas mineur. Ça fait pas partie de sunnah. C'est quoi la cause de tout ça? Al-Jahl. Il y en a, ils connaissent pas haqiqat al-siyam. Al-siyam, c'est s'abstenir de boire, manger, d'avoir des rapports avec sa femme. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma s'embellir, tant que ça ne contredit pas notre din. Mettre du parfum pour les hommes, ou pour la femme chez elle. Se brosser les dents. Assiwak. Tout ça c'est mahmoud fi Ramadan ou fi ghayr Ramadan. Donc c'est important de connaître la chose en elle-même et pourquoi on l'a fait. Thumma d'étudier et de connaître ce qui contredit cette chose. Ba'd an-nas kama ta'lamoun. Et ça c'est pour vous montrer al-jahl. Al-Azim, il ne met pas de parfum parce qu'il fait siyam. On parle des hommes. Il ne met pas de parfum parce qu'il ne fait pas siyam et il ne fait pas salat. Et ne pas faire salat, ça ne le dérange pas trop. Mettre du parfum, Rubama, il reproche à quelqu'un. Il dit, il fait siyam et il a mis du parfum. Alors qu'il ne fait pas salat. Ça, c'est shaitan. La'iba bi'uqul ha'oula et il mélange tout, wal'ayatu billah. Alors que le parfum, ça annule en rien. الصيام. إلا الصلاة سأنل الإسلام على الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر تتخوف بعض الناس شغلهم الشاغل في رمضان est-ce qu'on peut mettre du parfum est-ce qu'on peut se brosser les dents est-ce qu'on peut se coiffer est-ce qu'on peut تركوا هذا ça a aucun lien avec الصيام c'est le شيطان qui fait perdre le temps à هؤلاء لكن en tant que طلبة علم on a un rôle في هذا de conseiller هؤلاء avant Ramadan, leur montrer c'est quoi le but de Ramadan. Leur montrer que Ramadan s'est fondé sur At-Tawhid. Léanna, Siyam, Ghayr al-Mouahid, il n'est pas maqboul, mais l'étivar. Kadhalik, l'importance de Salat. Kadhalik, l'importance de ce Siyam, ça doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala, se priver pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'dahum, ils se privent pour pas contredire les gens, ou parce que c'est devenu une coutume, ou parce que les gens, ils vont parler. Hada, son Siyam, il est... Il n'est pas lillahi azza wa jal. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré anna celui qui fait siyam imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah lui pardonne ses fautes. Celui qui le fait lillahi subhanahu wa ta'ala ihtisaban lil ajr. Amma c'est devenu une coutume, fala. Tout ça, on l'a cité par rapport à ce genre de masail qu'on va citer. Ma'joun al-asna. Donc on ne mélange pas tout. On ne fait pas passer des choses importantes en elles-mêmes avant des choses plus importantes. Naam, enfin, on fait des efforts fi as-salat, fi l'ilm. Et après toutes ces choses, ça viendra. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, ce genre de masail, ça pose des problèmes aux awam, aux juhal. Amma talabat l'ilm et mimbab awla l'ulama, walillahi l'hamd. Ils répondent à ces questions, les gens ils les posent. Amma c'est wadih. Ils mettent du parfum, ils se lavent les dents. Hada c'est wadih indahum. Wallahu musta'an. Isti'mal al-ma'joun. قال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه savant qui faisait partie de l'Ajna Daima et il était originaire de Misr, d'Égypte, رحمة الله عليه. Et il faisait partie de l'Ajna Daima à l'époque de Cheikh Abdel Aziz bin Baz. Et il a des fatawa, ils ont rassemblé ces fatawa et ces rasa'il dans un majmoua. قال يجوز أن يستعمل الإنسان فرشة الأسنان. Et la brosse à dents. Wal ma'ajin, et les dentifrices. Allati yunaddifuna biha asnanahum. Idha ihtaja ila dhalik. Bien sûr, s'il y a un besoin. Walakin al-afdal lahu an yatasawwak bis-siwak. Et ça, c'est afdal. Li'anna an-nabi sallam, il nous a conseillé de faire as-siwak. Lawla an ashuq ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah, qala an-nabi sallam. كذلك مطهرة للفم مرضاة للرب. Ça purifie la bouche. Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de ce qu'ils le font. Donc, appliquer siwak, c'est afdal. أن يتزوج بالسواك المعروف وفيه الكفاية والخير. Et se nettoyer les dents avec siwak, c'est afdal. Même au niveau de la propreté, c'est ahsan. لأن c'est quelque chose de naturel et c'est très très efficace. On n'a pas le droit de rendre une chose difficile alors que c'est facilité. Celui qui préfère as-siwak, c'est afdal, c'est une sunnah. Et celui qui se brosse les dents, fa la shay alayh. L'essentiel, c'est le nadafa. Qala ma dama la yanzil fi halqihi shay mimma staka bih. Et ça, c'est important. L'essentiel, c'est de ne pas avaler. Que ça soit des morceaux de siwak ou du dentifrice, fassaim, il fait tout pour ne pas avaler. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في مجموع فتاواه تنظيف الاسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك. Donc appliquer ou utiliser dentifrice avec brosse à dents, ça annule pas as-siyam comme le siwak. Les nas, tu te nettoies les dents, tu manges pas et tu bois pas. وعليه التحرز من ذهاب شيء منه الى جوفه. En faisant attention que du dentifrice il pénètre pas dans ta gorge. فان غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. Et si il avale sans faire exprès, involontairement, شيء عليه. Son siyam il est pas annulé. Et celui qui avale volontairement, il annule son siyam. هذا القول في هذه المساله. Donc c'est permis et utiliser siwak, c'est afdal. Et on revient à kadhalik, à celui qui a peur d'avaler ce dentifrice, ahsan, il le fait avant as-sahur. Et il le fait après al-maghrib. Ahsan. Et il utilise la journée as-siwak. Et celui qui se brosse les dents la journée et il n'avale pas dentifrice ou l'eau, fahada son siyam il est sahih. Une autre mas'ala, ou naqra kalam Cheikh Ibn Uthaymeen fi hada, إلى قول طيب قال في الشرح الممتع وأما مغالاة العامة بحيث أن الإنسان لو استاك وأدمت لثته أي سيجنسي بعض العوام comme il démontre Cheikh Ibn Uthaymeen, ils ont du goulou في هذا. Si tu utilises le siwak en pleine journée de Ramadan, pour eux t'as annulé ton siyam. Ou si tu te brosses les dents ou tu utilises le siwak et ta gencive elle saigne, pour eux t'as annulé ton siyam. Ça annule pas as-siyam. قال شيخ ابن عثيمين قالوا افطر ولو حكى جلده حتى خرج الدم قالوا افطر. صحيح بعض العوام انسا on l'a remarqué, vous l'avez remarqué, انهم ils ont du goulou فيما يتعلق بالصيام. ربما كما قال شيخ ابن عثيمين, si tu te frottes la peau, tu te grattes et il y a un peu de sang qui sort, ربما عندهم t'as annulé ton siyam, alors que ça annule en rien as-siyam. Et ربما certains ils font pas salat, لا ينكرون عليه. Imma leur enfant, imma leur frère, imma leur voisin, imma eux-mêmes, ربما ils font pas salat, Voilà yunkirun. Pourquoi les annahum, ils ont mélangé les choses. Des choses, al-amr fiha, il est wasi'. Pour eux, c'est devenu d'une importance primordiale. Et des choses, c'est muhim jiddan. C'est des usul min dinina kas-salat. Pour eux, c'est, ça n'a pas une grande importance. Limadha al-jahl. Et la compréhension du din. Ahl al-dhalal. Kadhalika al-inghimas fi dunya. Tout ça, ils n'arrivent plus à concevoir les choses comme elles doivent être. Comprise على الفهم الصحيح. قال شيخ ابن عثيمين حتى خرج الدم قالوا أفطر ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر فكل هذه مبالغة. Tout ça c'est de l'exagération. Et on a expliqué ces مسائل أنه s'il avale involontairement ça lui fait aucun mal à son siyam. Et si c'est volontaire chacun أنه il n'a pas à le faire pendant le siyam. Thomas, Cheikh Ibn Uthaymeen, il parle par rapport à l'écoulement de sang des gencives, ou en enlevant, en s'arrachant une dent chez le dentiste ou autre. Tout ça, bien sûr, faire attention de ne pas avaler le sang. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il conseille de faire cela la nuit. Ahsan. Ou après Ramadan, celui qui peut attendre. Fahada ma yata'alaq bi ad-dam. Kadhalik, as-siwak. On lit, masalat siwak, rupama, akhouna Cheikh Mohamed. Ibn Hizam, il a cité cette mas'ala. Et anna as-siwak, il y a des siwak qui sont yabis. Et il y a des siwak qui sont rotb. Vous avez remarqué? Il y a des siwak qui sont secs. Et il y a des siwak qui sont rotb. Ils ont l'odeur, ils sont frais. Rubama, si tu l'utilises, il y a un liquide qui a un goût. Est-ce que tu peux l'avaler, amla? Qala, Cheikh Mohamed, il a cité cette mas'ala dans son livre, Ithafu al-anam, bi ahkam masa'il al-siyam. Dans le chapitre des Mubtilat al-Siyam, قال لو استاك الصائم بسواك رطب. Donc, أما السواك اليابس, un سواك sec, هذا يا aucun إشكال. أما الرطب, قال فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء فابتلعه. Il avale ce goût ou des morceaux du سواك. قال النووي يفطر بلا خلاف صرح به الفوراني. Donc, An-Nawawi, rahmatullah alayhi, il est d'avis que ça annule As-Siyam. Bel, il a rapporté qu'il n'y a aucun khilaf. Qala Cheikh Mohamed, waffaqahu Allah, wal maqsoud bil rutuba huwa as-sa'il alladhi yakhruj min as-siwak 'inda an yakun ratban wa yakun harran. Ça arrive ça dans les siwak qui sont frais, tu viens de l'acheter et tu sens qu'il y a un goût, il est har. Il y a un goût. Et il est encore frais, il y a l'odeur. فهذا قال وإنما جزم النووي بأنه يفطر لكونه يمكن التحرز منه. Toujours, on a cette règle, أنه on sort des doutes. أنه t'évite de avaler cette chose. قال أما إذا استاك بالسواك بعد التحرز بعد تحرزه من تلك المادة الرطبة وبعد ذهابها بعد ذهابها فلا يضره ذلك وإن وجد له طعم. نعم. أما si fait attention de ne pas avaler. Non, mais il fait attention et il reste quand même un goût dans le siwak, ça ne lui fait aucun mal. لأنه لا يوجد إلا ريقه. إلا ريقه. Non, c'est la salive de celui qui fait siwak. Donc on fait attention de ne pas ouvrir bab al-wasawis. On délaisse complètement le siwak. Là. وإنما أصابه ذلك الطعم لمجاورته للسواك والله أعلم. Non, c'est un قول. Donc on évite d'avaler au départ, quand il est encore frais, ce goût. Et on évite d'avaler kadalik les morceaux qui peuvent rester. Et alhamdulillah, l'amr, il est wadih. N'am, naktafi bihada qadr. Et on finit, incha'Allah, ma yata'allaq bihadihi al-mubtilat dans le dars suivant. Bi'idnillah azzawajal. Subhanak l'homme bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.